dit qu'elle est enfant. Elle vit dans les montagnes, tout en haut de son père. Elle contemple les nuages, elle se dit toujours en elle qu'elle préfère la liberté. Mais auparavant, yeah.